الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والتقى والعفاف والغنى وبعض. Donc les frères, on va commencer inshallah sur l'explication de ce livre qu'on a commencé, qui est la lettre de l'imam Ibn Abi Zayd rahimahullah Ta'ala. Donc dans le dernier cours, on avait fini sur l'introduction du commentateur qui est Cheikh Al-Fawzan. On a fini l'introduction et on a dit donc qu'on allait commencer à présent la lecture du texte. La lecture du texte. Donc hier, on avait fini le cours avec la lecture du début du texte. J'avais lu une partie du début en arabe. Donc on va commencer, Inch'Allah, directement pour gagner du temps, Inch'Allah, essayer d'évoluer dans l'explication de cette œuvre. Et donc, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a commencé à lire hier, lui, l'auteur, avant de commencer d'évoquer et de mentionner les questions relatives à la croyance, les points importants à connaître concernant la croyance des gens de la Sunna, il va d'abord rédiger une sorte de préambule à son shir, justement celui qui lui a demandé d'écrire ce livre. Et donc il va commencer en s'adressant à lui. En s'adressant à lui et en lui présentant en quelque sorte son travail et son écrit. Et son écrit. Donc il faut bien comprendre ça. Donc avant qu'on commence, dans la lecture du texte, c'est-à-dire lié à la croyance, lui l'auteur va d'abord présenter son écrit à son shir, qui lui a demandé justement d'écrire cela, pour justement qu'il soit enseigné à ses élèves. Taïb. Et on va essayer, Inch'Allah, de lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Donc parfois, il est possible qu'on passe à un des passages, ou parfois il est possible que on traduit directement ce que le commentateur dit, ce que Cheikh Al-Fawzan dit. Donc parfois pour essayer d'évoluer plus vite, donc il se peut qu'on soit on passe des passages, ou sinon je traduis directement. Donc certains passages, bien sûr, je vais lire ce que dit Cheikh en arabe, et parfois ça peut arriver que certains passages on les traduit directement. À la kulli hal, dans tous les cas, toutes les situations, le fait de passer du temps dans l'apprentissage d'un livre, c'est pas quelque chose de perdu, c'est pas une perte de temps, au contraire. L'ilm yahtaj ila sabr. La science, l'acquisition de la science, ça demande de la patience. C'est pour cela que vous pouvez, lorsque vous écoutez certains commentaires de certains savants sur différents livres, vous allez voir que certains savants, par exemple, ont commenté certains livres à travers de nombreuses années. Même eux le disent, que la science, ça demande de la patience. Il y a un shir, par exemple, qui disait justement que lui, il avait l'habitude avec ses élèves de passer du temps dans l'explication des livres. Et parfois, dans l'explication de certains livres, il passait des années. Il lui fallait des années pour commenter et expliquer le livre à ses élèves. Et ça, en l'occurrence, c'est un savant du Koweït qui dit ça. Et il dit, il faut patienter. Et il dit, par exemple, qu'il enseigna à l'aqidat tahawiyya, à ses élèves, le dogme de l'imam tahawi, à ses élèves, pendant 5 ans. Il l'a expliqué. Il lui a fallu 5 ans pour expliquer tahawiyya à ses élèves. Regardez à titre d'exemple, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymeen. Vous avez vu, il a un commentaire célèbre et très bénéfique de Al-Bulugh al-Maram, par exemple. Ibn Uthaymeen, il l'a, si je ne me trompe pas, commenté 2 fois. En tout cas, il y a deux explications célèbres de Cheikh Ibn Uthaymeen. La première fois, si je ne me trompe pas, il a mis à peu près 17 ans. 17 ans pour commenter Al-Buror Al-Maram. Il a vraiment passé du temps. Mais aussi, lorsque vous revenez aux commentaires à l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, le livre est quelque chose. C'est vraiment un livre très très bénéfique. Et justement, Talabat al-Ilm et les mashayikh, hein, des mashayikh et des grands étudiants ne se passent pas de la lecture et de l'apprentissage de ce livre. Et ensuite, il l'a ouvert donc une première fois, il a commencé l'étude une première fois qui a mis de longues années, comme on vient de le dire, et ensuite il l'a refait, il l'a réexpliqué, et là il l'a fait en plus abrégé et résumé, en quelques années, si je ne me trompe pas, à peu près 4 années comme ça. هكذا العلم يحتاج الى صبر. Celui qui est pressé, celui qui veut prendre la science d'un seul coup, toute cette science partira d'un seul coup. العلم يحتاج الى صبر. C'est pour cela que, comme il est dit, le grand imam disait, l'apprentissage de la science, c'est du berceau jusqu'au tombeau. هكذا. فطلب العلم يحتاج الى صبر يصبر. C'est quelqu'un de patient, d'endurant, de persévérant. Mais dans tous les cas, on va essayer d'avancer, Inch'Allah, pour bien comprendre ces enseignements. Donc on va avancer maintenant, on va commencer dans l'explication d'abord de cette présentation de l'auteur envers son shir, de son écrit. Yaqul, kama qulna, qala Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani radiyallahu anhu wa ardah. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم إلى آخر الكلام. Donc il commence en disant, Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani déclare ce qui suit. Louange à Allah qui par son bienfait suscita la création de l'homme et lui donna son image dans les matrices. Par sa sagesse, il le fit apparaître par l'effet de sa bienveillance là où il lui destina ses ressources. Il lui apprit ensuite ce qu'il ne savait pas, et certes la faveur de ton Seigneur envers lui ne cessa d'être immense. Cheikh Al-Fawzan maintenant pour, donc vous avez vu là, on vient de lire justement l'écrit, on a commencé, de l'imam Ibn Abi Zayd. En explication, Cheikh commence, il dit, donc il commence en disant Alhamdulillah, en faisant les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il iftataha hadhihi al-muqaddima bilhamdillah wa thana'i 'alayhi 'ala ni'amihi al-'azima. Donc regardez, il a commencé cette œuvre, hein, et la présentation de cette œuvre en faisant les louanges d'Allah et en louant Allah. Tayyib, 'ala ni'amihi al-'azima, par rapport à tous ses bienfaits dont Allah nous a octroyé et a donné à l'homme. Parmi ces bienfaits que va nous expliquer Cheikh Al-Fawzan, Hafidhallah, le commentateur, il nous dit, Cheikh dit, en effet, khalaqa al-insan, Allah jalla wa ala khalaqa al-insan. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Wa ahtana Allahu bi khalqihi wa taswiri. Et Allah, ici, a créé cet homme comme Allah Jalla wa Ala a voulu le créer. Il a été attentif, subhanahu wa ta'ala, envers cette création. لأنه هيأه لمسؤولية عظيمة من بين المخلوقات. C'est ce que veut dire Shir. Il dit parce que Allah ensuite va donner à cette créature, à cet homme, à l'être humain, à sa créature, il va lui donner une grande responsabilité. Il va porter une grande responsabilité. Cette responsabilité, il dit, c'est l'adoration d'Allah. Lui vouer un culte pur, à lui seul, car il n'a point d'associé. Pourquoi ? Parce qu'il dit, Allah Jalla wa Ala, dans un verset, il nous dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. فَخَصَّ اللَّهُ هَذَا الْإِنْسَانَ بِخَصَائِصِ لَيْسَتْ فِي بَقِيَّةِ الْمَخْلُوقَاتِ. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il a donné des particularités à cet être, à l'être humain, ces particularités que d'autres créatures n'ont pas. بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, a mis à sa disposition pour lui, pour cet être, tout ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre. Ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre. لِيَسْتَعِينَ بِذَلِكَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ. Pourquoi ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre ? Pourquoi ? J'y réponds en disant, il dit pour qu'on puisse s'aider de ces choses pour réaliser l'adoration du Seigneur. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى خَلَقَ الْإِنسَانُ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ. Donc ensuite, Cheikh nous dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et lui a enseigné al-bayan. Al-bayan. Comment est-ce qu'on pourra traduire al-bayan ? On va traduire ça, la manière de s'exprimer, de pouvoir le faire, d'avoir la capacité de s'exprimer. Il va lui enseigner l'expression. Taïb. L'expression claire. Wa razaqahu min anwa' ar-rizq. Mais ce n'est pas tout. Allah va lui octroyer la subsistance, toute forme de subsistance, de bonnes choses et de bienfaits. Pourquoi il dit min ajli an yaquma bi ibadatillah? Pourquoi? Pour qu'il puisse réaliser, accomplir ce pourquoi il a été créé, l'adoration de son Seigneur. Tayyib. Qal, Shir ensuite dit, donc Allah, Jalla wa'ala, comme on le sait, il a créé Adam. Adam, qui est le père de l'humanité. Et lorsqu'Allah, Jalla wa'ala, a créé Adam, qui est le père de l'humanité, Ja'alahu khalifatan fil ard. Allah ensuite l'a mis sur terre. Et il est le premier. Il est le père de l'humanité. Faja'alahu khalifatan fil ard. وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ. Et Allah lui a enseigné le nom de toutes choses. Toutes choses, Allah Jalla wa Ala lui a enseigné le nom de toutes choses, comme cela est clarifié d'une manière claire et évidente dans son livre, dans le Coran. وَفَضَّلَهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِالْعِلْمِ. Donc, Cheikh nous dit qu'Allah donc a certes distingué Adam par rapport aux anges. Adam s'est distingué par rapport aux anges. Et cette distinction, elle est due à quoi ? Au savoir, au ilm. Allah lui a enseigné le savoir, les noms de toutes choses. Pour cela, amarahum bisujudillah. De ce fait, Allah leur a ordonné de se prosterner devant Adam. Comme l'histoire est connue auprès de tous et célèbre. Hadha al-amr. Lorsqu'Allah leur ordonne de se prosterner aux anges devant Adam, par rapport à cette distinction qu'il y a entre les anges et Adam. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette prosternation dont Allah a ordonné aux anges de faire pour Adam, c'est pas une prosternation d'adoration. Je vais vous expliquer. Il faut bien faire la distinction. On appelle ça une prosternation de salutation. Et non une prosternation d'adoration. هذا أمرهم بالسجود له سجود إكرام وتحية لا سجود عبادة. C'est ce qu'on appelle là une prosternation pour honorer, pour saluer, de salutation, mais pas une prosternation d'adoration comme on l'a dit. À savoir qu'il va nous expliquer ما سجود التحية فكان جائزا في شرائع الأمم السابقة. Pourquoi ? Parce que la prosternation de salutation, hein, pour honorer autrui, elle était permise et légiférée dans les législations précédentes. Sauf que dans la législation ensuite, la dernière législation, dans le message du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite cette prosternation même de salutation sera interdite. Elle est permise dans les législations précédentes. Et non pas dans cette législation de cet islam bien précis. Pour cela, il dit, qu'ensuite cette prosternation de salutation, tahiyya, ou l'ikram, l'ikram, elle a été abrogée plus tard. Thumma nusikha fi shari'ati Muhammadin, avec la législation du prophète Muhammad, alayhi salat wa salam. Fala yusjad lil makhluq. Donc, une créature ne peut pas se prosterner pour une autre créature, à présent. Mais cette prosternation qui est mentionnée dans le Coran, dans de nombreux passages, lorsqu'il est mentionné qu'ensuite Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, c'est une prosternation de salutation. Et regardez, on cite, on le voit même dans les législations précédentes, à titre d'exemple, lorsque Sajada Ya'qub, lorsque Ya'qub et ses enfants se sont prosternés face à Yusuf, se sont prosternés face à lui. Hada sujud, cette prosternation. Dans ce verset dans la sourate Yusuf qui est célèbre, il ne faut pas déduire de ce verset, donc on peut se prosterner pour autrui. Ça, c'était permis dans les législations précédentes. Pour cela, c'est mentionné. Et cette prosternation était une prosternation de qu'on appelle en arabe les tahiyya ou l'ikram, pour honorer et saluer. Et non une prosternation d'adoration. Khalaq Allah donc, Allah donc a créé Adam, qui est Abul Bachar, le père de l'humanité. Aba al-insaniya. Fawjadahu min Adam, min at-tin. Donc Allah l'a créé alors qu'il était non existant, il était néant, Adam. Et d'argile. Wa ahsana as-suwar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parfait son image. Pour cela, regardez bien. Dans la sourate le figuier, sourate At-Tin, qu'on lit souvent, qui est connue, Allah Jalla wa Ala dit une traduction du verset, du sens. Ô homme, Allah dit, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Allah nous informe qu'il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. أعطاه الحواس من السمع والبصر والعقل الذي ميزه به من بين المخلوقات. Allah lui a donné les sens. Vous avez vu, on l'appelle même ça les cinq sens. Allah lui a donné l'audience, lui, la vue, etc. Vous avez vu, les sens. Allah lui a donné ces sens-là, la capacité de pouvoir entendre, la capacité de pouvoir voir. Allah lui a donné العقل, la raison, de pouvoir raisonner, de pouvoir distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Allah lui a donné tout cela. Allah l'a donc distingué par exemple par rapport à d'autres créatures. Allah, Jalla wa Ala, a parfait sa création. Pour cela, Allah dit qu'il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Anta ya Abdallah. Et toi, ya Abdallah, tu fais partie de cette créature dont Allah a créé de la forme la plus parfaite. Regardez ce qu'il dit ensuite. Donc cet homme peut distinguer entre ce qui est nuisible et ce qui est profitable, entre le bon, le mauvais, en ce qui est bon et l'inverse. Ça, c'est des particularités de l'individu. Vous comprenez cette explication de Cheikh ici? Pourquoi? Pour nous expliquer que lorsque l'auteur dit Alhamdulillah illadhi ibtada al-insana bi ni'mati. Regardez, lorsque l'auteur loue Allah en disant par son bienfait, louange Allah par son bienfait, suscita la création de l'homme et lui donna son image dans la matrice par sa sagesse. Lorsque, ça c'est une exhortation, une explication du shir, et là on se rend compte vraiment du bienfait. Qu'Allah Jalla wa Ala, tous ces énormes bienfaits qu'en réalité on ne peut dénombrer. On peut dénombrer tous les bienfaits sur nous. Mais lorsque juste on observe, on médite sur notre création, Allah nous a créé ici dans la forme la plus parfaite, là ça nous pousse à le louer, à le remercier et à reconnaître ces immenses bienfaits qu'il nous a donnés. Et dans un verset, regardez, Allah dit لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ dans la Sartitin, et dans un verset, Allah dit, Ya ayyuhal insan, ma arraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Dans un autre verset, traduction du verset, Allah dit, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement, il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Ça, c'est des choses qu'il faut méditer. Et pour cela, Cheikh nous dit, فَعَلَى هَذَا الْإِنسَانِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ. Pour cela, l'individu, pour cela, il doit remercier son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il doit accomplir cette adoration qui est le remerciement. Et donc, accomplir son devoir, qui est ensuite l'objectif pour lequel Allah Jalla wa Ala l'a créé, réaliser l'adoration de son Seigneur. Dans le verset, regardez, Allah dit, je n'ai créé les hommes, les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce qu'ensuite Allah dit ? مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَعِمُونَ. Allah dit, j'ai créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent, je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne cherche pas, n'attend pas de ses serviteurs à travers cette adoration et la réalisation du culte, une subsistance ou que ses serviteurs le nourrissent. Allah est au-dessus de cela. Allah se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا يَقُلْ الشِّيْرِ هَلْ أَلَّا بِحَاجَةٍ إِلَّا الْعِبَادَةِ. Est-ce qu'Allah a besoin de notre adoration? Est-ce qu'Allah a vraiment, il a ce besoin de notre ibadah, de notre adoration? الشيخ يقول لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَيْهَا. Allah n'est pas dans le besoin de cette adoration. لَكِنَ الْعَبْدُ هُوَ الَّذِي بِحَاجَةٍ إِلَى الْعِبَادَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصِيلَهُ بِاللَّهِ وَأَمَّا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْعِبَادِ فَلَوْ كَفَرُوا كُلَّهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ مَا نَقَصُوا مِنْ مُلْكِهِ شَيْئًا. Il dit Allah جَلَّ وَعَلَى n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qu'avons besoin pour avoir ce lien avec notre Seigneur. Parce que Allah جَلَّ وَعَلَى n'a pas besoin, il se suffit par lui-même, il n'a pas besoin de ses serviteurs. Si le monde entier, mais croyant en lui, ça ne va rien diminuer de son royaume et de sa majesté et de sa magnificence. Subhanahu wa ta'ala. Si tout le monde lui obéit aussi, ça ne va rien rajouter à son royaume, à sa perfection, à sa majesté, à son excellence. Subhanahu wa ta'ala. On lit hada, c'est pour ça dans un hadith divin, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah a dit. C'est-à-dire qu'un hadith divin, aussi, c'est-à-dire que le prophète nous rapporte ce qu'Allah a dit dans un récit. Et dans un long récit, et Shir ici va nous mentionner une partie du récit, regardez, lorsqu'Allah dit, dans ce hadith divin, il dit, ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, avaient le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, se réunissaient dans une même plaine pour me solliciter et que je donnais à chacun satisfaction, cela ne diminuerait rien de ce qu'il y a auprès de moi que comme ce qu'une aiguille plongée dans l'eau diminuerait de l'océan. Ô mon serviteur, ce ne sont que vos œuvres que je recense pour vous, pour ensuite vous en rétribuer pleinement. Quiconque trouve du bien, qu'il loue Allah, quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa personne. Donc ça, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, le hadith 2577. Hadith immense que mentionne Cheikh al-Fawzan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Très belle explication, vous avez vu, de Cheikh Fawzan lorsqu'il nous explique l'importance de la louange. Il va nous expliquer ensuite que donc tout ce qu'Allah a mis à notre disposition dans cette dunya, c'est fait pour lui obéir, pour s'en servir dans son obéissance. Allah Jalla wa Ala nous a rendu les choses licites pour que ça nous aide à lui obéir et à l'adorer. Parmi les bienfaits d'Allah, ensuite regardez, l'auteur dit, il continue, il dit, il fait apparaître par l'effet de sa bienveillance là où lui destina ses ressources et lui apprit ensuite qu'il ne savait pas, ce qu'il ne savait pas, et certes, la faveur d'Allah envers lui ne cessa d'être immense. Il a fait une portée d'attention par les marques apparentes de son œuvre créatrice et a prévenu toute excuse par la prédication de ses prophètes, les meilleurs hommes. Et il dirigea ainsi dans la juste voie ceux à qui il inspira de la suivre, puis par sa faveur égara ceux qu'il abandonna par son équité. Cheikh va nous expliquer. Allah Jalla wa Ala donc, dans un verset, nous dit « C'est lui qui vous a donné forme dans les matrices comme il veut. « وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء » Allah Jalla wa Ala nous a donné forme dans la matrice. Dans les matrices, comme il le veut, dans un verset, c'est le verset 6 de Surat Ali Imran. Et regardez, dans le verset 6 de Surat Zumar, Allah nous dit يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Allah a une traduction relative du sens du verset, et il vous créa dans les ventre de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. Trois ténèbres. Je vais vous expliquer. Donc, al-dhulumat al-thalath, on les traduit par les trois ténèbres. Je vais vous expliquer qu'Allah Jalla wa Ala nous a donc créé, subhanahu wa ta'ala, dans le ventre de nos mères, et création après création, dans les trois ténèbres. Que sont ces trois ténèbres? Al-dhulumat al-thalath. On a ce qu'on nomme les ténèbres du ventre, deuxièmement de la matrice, troisièmement du placenta. Troisièmement du placenta. Al-awwal fa dhulumat al-thalath hiya dhulumat al-batn wa dhulumat al-rahim wa dhulumat, ou plutôt dhulumat al-batn, dhulumat al-rahim wa dhulumat al-mashima allati 'ala al-tifl. فمن الذي أوصل إليه هذا التدبير في هذه الظلمات؟ الله جل وعلا بواسطة الملك الذي يرسله إلى الجنين وهو في بطن أمه ويأمره سبحانه وتعالى بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. Donc Allah سبحانه وتعالى nous explique, qu'il nous a mentionné ces trois ténèbres qu'on a mentionné précédemment. Lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère, donc il y a la première étape, il est dans la matrice, hein, dans le ventre, ensuite elle est, ou plutôt dans le ventre, la deuxième ténèbre dans la matrice, ensuite, troisièmement, dans le placenta. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer justement un ange, alors qu'il est dans le ventre de sa mère. Et cet ange, ensuite, aura l'ordre d'écrire, eh ben, en la faveur de cet être, ce fœtus, dont il va lui insuffler l'âme, en sa faveur, il aura l'ordre de lui écrire son risque, sa subsistance, son délai, sa vie, bonne ou mauvaise. Et qui est-ce qui s'occupe de lui? Qui est-ce qui octroie la subsistance à ce fœtus? Le fait qu'il soit nourri, le fait qu'il puisse grandir dans ses différentes ténèbres. Qu'est-ce qui lui a donné vie? Qui est-ce qui a décrété pour lui sa subsistance, accordé cette subsistance, décrété son délai, sa vie bonne ou malheureuse. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit remercier son Seigneur. Ça, c'est des choses donc à méditer. Ensuite, Allah jalla wa ala, par compassion et miséricorde pour cet être, il le fait sortir du ventre de sa mère. Il le fait sortir de son ventre. Cheikh va nous mentionner aussi, ensuite, des versets par exemple à méditer dans la sourate Ar-Rahman, le miséricordieux. Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Ar-Rahman, le miséricordieux, a enseigné le livre, le Qur'an. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. On a créé l'homme et lui a enseigné al-bayan, l'expression, la manière de s'exprimer. Pour tout cela, l'individu doit reconnaître cela. Dans un autre verset, Allah dit وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et Allah dans un verset dit et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, ce dont tu ignorais, et la faveur d'Allah à ton insu est immense. فَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمْ لِلْإِنسَانِ. Donc qui est-ce qui enseigne à l'homme? Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Là, on vient, Cheikh vient nous évoquer certains bienfaits d'Allah. Le bienfait, le fait qu'Allah nous a créés à travers une image parfaite. Le fait qu'Allah nous a donné ses sens. Le fait de pouvoir voir, toucher, entendre, etc. Le fait de pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Le fait de pouvoir raisonner. Vous avez vu tous ces bienfaits. Le fait qu'Allah, Jalla wa Ala, nous a créés de cette manière. Il a écrit pour nous notre délai, notre subsistance. Ça fait partie des bienfaits d'Allah. Mais ce n'est pas tous les bienfaits d'Allah. Les bienfaits d'Allah sur nous sont nombreux, ils sont indénombrables. On ne peut les compter. Pour ça, regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son célèbre du'a, lorsqu'il disait « La ursi thana'an alik, anta kama athnayta ala nafsik. » Je ne peux dénombrer. Le prophète Sansem disait, la orsi sana an alik. Il peut, yani c'est difficile pour lui de faire vraiment les louanges comme il se doit, dénombrer tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aussi, cher, va nous expliquer qu'il nous a aussi enseigné, fait une portée d'attention en ce qui concerne ces signes, les signes de la création. Et cher va nous mentionner les deux catégories de signes. Al-ayat al-kawniya ou al-ayat al-wahi. Allah ensuite nous a enseigné les signes prouvant son existence. Les signes prouvant l'immensité du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces signes, il y a deux formes de signes. Al-ayat, qu'on traduira ici par les signes, se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle l'ayat al-kawniya, les signes, je pourrais la traduire, hein, universels, voyez le makhlouqat, c'est les créatures, hein, la création. Et deuxième forme de signes, les signes al-ayat al-wahi, al-shara'iyya, c'est les signes de la révélation textuelle. وَمِنْهَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ. Et parmi ces signes, le Coran. Le Coran. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى n'a pas laissé l'homme comme ça. Regardez. Chérissé va nous évoquer un autre bienfait que beaucoup négligent et oublient. Allah ne va pas nous laisser comme ça à notre propre raison ou sur ce savoir, sur un savoir que l'homme aurait pu obtenir, sur une connaissance individuelle, il ne va pas nous laisser comme cela. Avec notre terme à nous, une expression qui dit « livré à nous-mêmes ». Il ne va pas laisser l'être humain livré à lui-même. Mais regardez, par miséricorde, par clémence envers sa créature, il va lui envoyer des prophètes et des messagers. Pourquoi ? Pour lui enseigner. Allah ne va pas laisser l'homme comme ça voué à lui-même. le laisser errer sur terre sans qu'il sache vraiment où est le bon chemin. Allah va lui envoyer des prophètes et des messagers. Ça fait partie, les savants expliquent, c'est pour ça que Cheikh Fadhlan évoque cela, ce n'est pas en vain, ça fait partie des grands signes d'Allah. Et ça fait partie de sa miséricorde qu'Allah ait envoyé des prophètes et des messagers pour avertir et annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Rusulan mubashirin wa mundhirin. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Allah dit des messagers qui sont avertisseurs, ou plutôt annonciateurs d'une bonne nouvelle, avertisseurs. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ. Pour pas qu'il y ait auprès des gens une excuse, un argument. بَعْدَ الرُّسُلِ, après l'envoi des messagers. Et les meilleurs de ces hommes, ce sont les messagers et les prophètes. Donc les messagers sont venus et ont clarifié le livre. C'est pour cela qu'ensuite, Shir, dans l'introduction, et l'explication là, Cheikh Fadhlan nous explique ensuite, donc ils sont venus pour guider les hommes. Mais ensuite, il y a deux sortes de guidés. Eux, les prophètes et les messagers, guident les hommes d'une guidée qu'on appelle « Hidayat al-Dilala » ou « Al-Irshad », d'une guidée d'orientation et d'indication. Pourquoi ? Parce que les prophètes et les messagers oriente les gens vers le bien et leur indique le bien. C'est ça qu'on appelle la guidée. La guidée. Il leur indique le bien. Mais en ce qui concerne la guidée des cœurs ensuite, le fait que le cœur accepte, ça, cette guidée-là appartient au Seigneur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde succès et qui guide les cœurs. C'est pour ça qu'il y a deux formes de guidée. Il y a al-hidaya, hidayat dilala, ou plutôt Hidayat al-Dilala wa al-Irshad. Et la deuxième guidée, c'est la guidée qu'on appelle Hidayat al-Tawfiq. Hidayat al-Tawfiq, qui est la deuxième, le fait que Allah Jalla wa'ala accorde réussite et guide les cœurs. Donc les prophètes sont venus, eux, pour indiquer, orienter les gens vers le bien, leur font montrer le droit chemin. Ensuite, le cœur, la guidée des cœurs, ça ne leur appartient pas, mais ça appartient au Seigneur. Pour ça, dans un verset, Allah dit إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah, en s'adressant au prophète, lui dit, certes, tu ne guides pas qui tu veux ou qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il s'adresse au prophète en lui disant, certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. C'est-à-dire, ici, la guidée qui est niée par rapport au prophète, c'est la guidée de Tawfiq. Le fait de guider les cœurs, ça n'appartient qu'au Seigneur. Maintenant que les prophètes guident, qu'ils soient guidés, naram. Mais d'indication et d'orientation, dilala, wa al-irshad, wa al-irshad. C'est pour ça, dans un autre verset, Allah affirme la guidée. Dans ce verset, on a une négation de la guidée pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est la guidée de Tawfiq qui est niée pour le prophète. Et certes, tu ne guides pas qui tu aimes, naram. Ne guide pas les cœurs. Mais dans un autre verset, Allah dit au prophète, et là c'est le lem, pas de négation, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire la prolongation, il ne faut pas laisser un temps. La tahdi, ça veut dire tu ne guides pas. Dans un verset, la tahdi. Le lem c'est de taukid, pour affirmer, confirmer dans un verset. Donc dans ce verset, Allah dit, et certes tu guides, il a sirat il mustaqim, vers le droit chemin. Yani, hidayat ad-dilalati wa al-irshad. Donc dans un verset, Allah a affirmé, confirmé al-hidayat pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Et ensuite, Shir va nous expliquer cela en déduisant à travers des versets. Par exemple, Shir cite le verset en ce qui concerne le peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud, Allah dans un verset dit Wa amma Thamoud, fahadaynahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Et en ce qui concerne le peuple de Thamoud, Allah dit, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement que la droiture et la guider. Et dans un autre verset, dans Sourate Al-Insan, le verset 2 et 3, Allah dit, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve, pour l'éprouver. Nous l'avons fait entendant et voyant. C'est-à-dire qu'Allah ensuite, il dit qu'il a créé donc cet homme d'une goutte de sperme mélangée, traduction relative du verset, pour l'éprouver, hein, le mettre à l'épreuve. Et Allah dit qu'il nous a donné l'audience et la clairvoyance. Nous l'avons guidé dans le chemin. Allah dit, regardez, dans le verset, Inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. Et Allah dit, nous l'avons certes guidé dans la bonne voie, dans le bon chemin, alors qu'il soit reconnaissant ou bien ingrat. Donc, à travers ces versets, Shir veut nous expliquer qu'Allah a clarifié le bon chemin et le mauvais chemin, le bien du mal. Ensuite, l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un choix. L'homme choisit. Il fait un choix. Shir va nous dire فَالَّذِي يَقْبَلَ الْحَقُّ يَرْغَبْ فِيهِ فَاللَّهُ يُوَفِقُهُ بِفَضْلِهِ. Et il va nous parler de quelque chose de très important. Une question que peut-être beaucoup se posent. Il va répondre à quelque chose de très important. Regardez, une notion très importante. Celui qui veut la vérité et aime la vérité et il cherche cette vérité, alors Allah, Jalla wa Ala, يُوَفِقُهُ بِفَضْلِ. Allah va lui accorder le succès pour justement connaître cette vérité. Tandis que celui qui se détourne de la vérité ne veut pas la vérité, donc Allah le détournera. Et Allah égare qui il veut par sa justice. Par sa justice. فَقَالْ فَالَّذِي لَا يَقْبَلَ الْحَقِّ يُحَرِّمُهُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc celui qui n'accepte pas la vérité, le Cheikh nous dit, Allah le privera de la vérité. Celui qui cherche cette vérité, Allah le guidera vers cela. Et le fait donc que celui qui ne veut pas cette vérité, ne cherche pas cette vérité, il ne veut pas comprendre cette vérité et prendre le chemin de la vérité, le fait qu'ensuite qu'il soit égaré, ce n'est pas une injustice du Seigneur, mais c'est une justice. Enfin, لِأَنَّهُ الَّذِي لَمْ يَقْبَلْ الْحَقْ وَلَا يُرِدَ الْحَقْ وَيَتَكَبَّرْ عَلَى الْحَقْ يَتَكَبَّرْ. Parce que c'est lui qui n'a pas voulu la vérité, c'est lui qui s'est enorgueilli, c'est lui qui a fait preuve de vanité. Alors il dit لَا يَهْدِي هِدَيَةَ التَّوْفِقْ. Donc Allah le guidera pas d'une guidée de التَّوْفِقْ. التَّوْفِقْ, le fait d'accorder le succès. قال الله جل وعلا dans le verset, dans Sourate As-Saff, le verset 5, regardez, Allah dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et lorsqu'ils se sont, traduction relative, hein, verset, lorsqu'ils se sont égarés, Allah les a égarés, a égaré leur cœur. Quand est-ce qu'Allah a égaré leur cœur? Lorsque eux-mêmes se sont égarés. فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. C'est pour ça qu'il y a une très belle parole que même va mentionner Cheikh ici, une très belle parole de Cheikh Sam Taimiya. Il dit, celui qui n'accepte pas la vérité sera éprouvé par l'acceptation du faux. Apprenez cette parole, très belle parole. Apprenez les versets d'abord, qu'ils ont été cités là et mentionnés. Mais regardez, très belle parole. Si par vanité, par orgueil, parfois on refuse d'accepter, c'est parfois, parfois, on discute, on a des discussions. Parfois, on peut avoir des petits débats, des dialogues avec d'autres. Et au fur et à mesure de la discussion avec autrui, on se rend compte que celui qui est en face de nous, c'est lui qui a la vérité. Même si d'une manière apparente, la personne ne va pas vouloir faire montrer pourquoi, parce que pour lui, il va considérer ça comme un rabaissement. Et c'est une atteinte à sa fierté. Donc, ça va être difficile pour lui d'avouer quelque part, de reconnaître bah, qu'il s'est trompé, qu'il a eu tort. Donc ensuite, il va essayer de justifier avec des belles paroles, d'embellir, etc. le faux. Faites attention. Il faut qu'on fasse attention. La non-acceptation du vrai, lorsque vous voyez la vérité, vous ne l'acceptez pas, vous pouvez être éprouvé par l'acceptation du faux. Par l'acceptation du faux. Combien dans des questions de croyance, de aqida, on leur a exposé les preuves du livre du Seigneur, de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, ils avaient déjà un penchant. Ils étaient déjà passionnés sur la question. Ils étaient passionnés. Alors que la vérité était face à eux, mais ils avaient leur penchant, leur passion. Pourquoi? Parce qu'on a dit faire très attention, ne jamais avoir des convictions avant même d'avoir déduit. Les pieux prédécesseurs كانوا يستدلون ثم كانوا يعتقدون. لا تعتقد ثم تستدل لكن استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. N'est pas une conviction, ensuite tu vas chercher les textes qui vont appuyer et défendre ta conviction. Mais il faut déduire. Les savants, la croyance, comment leurs enseignements sont venus, l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim, les chapitres, comment est-ce qu'ils se sont faits? C'est qu'ils prenaient connaissance, ils rapportaient, ils compilaient des hadiths du prophète. Selon leur compréhension du hadith, ensuite, ils avaient des enseignements, ils recueillaient ces enseignements, ensuite ils rédigeaient chapitres de telle et telle chose. Par rapport au récit qu'ils avaient obtenu et compilé. Pas ils ont rédigé, intitulé un chapitre. Ensuite, dit, on va aller chercher en Orient, ou au Hijaz, péninsule arabique, à Médine ou à la Mecque, s'il n'y a pas des récits qui rentrent dans ce chapitre. Et ensuite, il va intituler. Là, ils recevaient, ils allaient chercher des récits du prophète, Sam, des hadiths, ils compilaient, et de ce fait, par rapport à ces récits, ce qu'ils comprenaient du récit, ensuite, ils émettaient, voilà, tel et tel point. Ensuite, ça n'exclut pas le fait que les imams, parfois, ils se remémoraient les hadiths du prophète et ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que tu as par rapport à cette question comme narration et récit du prophète, alayhi salatu wa salam, comme c'est rapporté de l'imam Ahmed. Alors qu'il était face à cette épreuve, qu'il a été interrogé par le gouverneur de son époque, et que les savants, on reviendra sur cette histoire, étaient mis à l'épreuve à cette époque, puisque ceux qui avaient pris l'autorité, c'était des gens de la doctrine de Mu'tazila. Lorsqu'il a été mis à l'épreuve, avant de passer au jugement par rapport à cette question, alors, il y avait d'autres qui étaient en sa compagnie, il leur dit à ce moment bien précis, hein, un moment difficile et dur, hein, il leur dit, qu'est-ce que tu as comme narration, comme hadith, hein, en ce qui concerne la question de Al-Khufayn, l'essuyage sur Al-Khufayn. Hatta al-rajul hadha alladhi kana ma'a istaghrab. Il était étonné que même dans cette situation-là, dans cette situation pénible et délicate, l'imam Ahmed continue, lui, à vouloir faire le mudhakara, réviser les narrations, les hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, on déduit, mais il ne faut pas être passionné de questionner. Lorsque la vérité nous est présentée, on la refuse. C'est pour cela qu'ensuite, on voit qu'il y en a qui ont déjà sombré dans le faux, et bien, ils sombrent encore plus, et ils s'enfoncent encore plus. Et il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés dans le droit chemin. Regardez, malheureusement, beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu cette guidée. Beaucoup de jeunes qui se croyaient dans le bon et dans le vrai. Et qu'ils ont sombré et sombré jusqu'à qu'ils ont dévié et ont sombré dans des dérives, des doctrines extrémistes et exagérées, etc. de la religion. Combien de jeunes ont été trompés et leurrés ? Et par la grâce d'Allah, cette prédication, cet appel de la sunna, qui est un appel béni, regardez les grandes références. Ceux qui ont appelé à la sunna, dans tous les temps, dans toutes les époques, les grands imams de cette sunna, c'était des gens qui propageaient la paix. Cette da'wah-là, lorsqu'elle passe dans un endroit, elle arrive dans un endroit, elle met et elle propage la paix. La paix. Et un grand savant lui disait, les signes de cette darwa, lorsqu'elle arrive dans une contrée, dans un endroit bien précis, elle va propager la paix. Parce que c'est une religion de paix. Assalamu alaikum. Le salut de la religion, que la paix soit sur vous. Premier verset du Coran, Surat al-Fatiha, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Tafadhal cher. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله. On termine, inshallah, très brièvement. Donc ça fait partie des bienfaits d'Allah, le fait qu'Allah nous ait guidés dans le droit chemin. C'est pour cela que le shir ici fait référence à cela. Après qu'il ait parlé de la création, après qu'il ait créé, qu'il ait parlé de comment Allah Jalla wa'ala nous a créé, nous a enseigné ce qu'on appelle al-bayan, comment Allah Jalla wa'ala nous a donné tous ses bienfaits, parmi ses bienfaits, la guider. Et on s'est arrêté lorsque j'ai dit, hadi da'wa al-mubaraka, cet appel-là à la sunna, au suivi des enseignements de nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les signes pour la reconnaître, pour reconnaître cet appel, les signes de la reconnaissance de la vérité, sachez que lorsque cet appel passe dans un endroit, elle, ici, propage la paix. Regardez Aïmat al-Salaf. Regardez par exemple, comme on a cité Ahmed ibn Hanbal, le grand imam Ahmed ibn Hanbal. Lui-même a été éprouvé à son époque. Est-ce que Ahmed ibn Hanbal, il est rapporté de lui qu'il a appelé à l'insurrection, à la rébellion, qu'il a appelé au façade, à la corruption, qu'il a appelé au mal et au désordre? Là, il a patienté. Et lui-même, en plus, c'est lui qui a subi les préjudices. Il n'a jamais appelé au désordre, il a toujours appelé à la réconciliation et à la paix. Il a continué son enseignement jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa'ala le fasse triompher et il devint imam El Sunati Wal Jama'a. Avant lui, l'imam Malik. L'imam Malik aussi a subi, hein, l'imam Malik a subi des grandes épreuves et des tourments. Et l'imam Malik, il n'est pas rapporté de lui qu'il ait été la cause ou il était à la tête d'une grande corruption et d'un mal. Regardez l'imam Al-Bukhari aussi à son époque. L'imam Bukhari a été éprouvé à son époque. Mais toujours, ils ont propagé la paix, le bien, ou l'ilm, et la science. Si vous observez les époques précédentes, hein, les imams étaient signes de paix et propageaient la paix, ou l'ilm, et les gens ensuite étaient guidés dans le droit chemin. Pour ça, à ces époques-là, ils ont prospéré. Regardez, même si on vient, on fait un grand saut dans le temps, des siècles après, à notre époque. Regardez, par exemple, les savants contemporains. Est-ce que vous connaissez les grands imams contemporains, les grands savants, Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, est-ce qu'ils ont été à la tête d'une corruption, d'un mal, de propager le désordre ou autre? Là, regardez comment ils ont propagé la paix dans le monde musulman, leur enseignement, alors que beaucoup de gens étaient égarés dans les pays musulmans, beaucoup de gens appelaient à l'extrémisme, aux insurrections, aux rébellions, etc. Ces imams appelaient toujours au calme, à la science, à l'apprentissage, au respect des autorités et autres, et la paix s'est propagée. C'est pour cela que dans de nombreux endroits ensuite, les musulmans ont prospéré, les gens ont pu étudier cette religion en paix et dans le calme. Regardez l'exemple du grand savant Cheikh Maqbal ibn Hadi al-Wadi'i à son époque. Comparez son époque dans son pays et maintenant. Comparez le Yémen actuel et son époque. Comparez la relation, lui, qu'il avait avec l'autorité. Ce qui a permis d'enseigner aux élèves, il ne recherchait ni le pouvoir, ni l'autorité, ni cherchait ce qu'on dit, hein, la chaise de l'autorité, il ne cherche pas ces choses-là, il cherchait à propager le bien, l'enseignement. On revient par exemple à nous, dans notre contexte, à nous et dans ce pays par exemple, à nous. Regardez les années 90 en France, qu'est-ce qui était véhiculé, qu'est-ce qui se propageait dans les quartiers, dans les banlieues françaises? Et ça, beaucoup ne le disent pas, ils cachent cette partie-là, ou bien ne veulent pas reconnaître cela. Eh bien, l'extrémisme se propageait. à une vitesse croissante dans les banlieues françaises. Regardez, lorsque hadihi dawa al-mubaraka, cette dawa bénite, lorsqu'elle est venue dans les banlieues françaises, elle a propagé le bien et la paix dans les banlieues françaises. C'est pour ça que tous les jeunes ensuite qui ont connu hadihi dawa et qui ont commencé à adorer leur Seigneur et à comprendre l'islam d'une bonne compréhension, ce sont des jeunes, cette darwa-là, les a appelés à comprendre leur religion avec modération. C'est des jeunes qui ont ensuite travaillé, se sont mariés, ont réussi socialement, etc. C'est pour cela que, bien heureusement, pour ceux qui côtoient par exemple les mosquées, voyez que toutes ces banlieues, imaginez la grandeur de ces banlieues, les banlieues françaises, avec toutes ces mosquées et tous ces jeunes qui fréquentent les mosquées. Imaginez-vous que ces jeunes-là étaient sur des idées extrémistes. Un homme, vous avez vu, une personne égarée, vous avez vu tout le mal qu'il peut faire. Et ensuite, c'est toute la communauté ensuite qui paye les pots cassés, en quelque sorte. Un homme, ce qu'il fait, imaginez-vous les banlieues françaises qui étaient sur ces doctrines-là et ces dérives-là, ça serait un désordre immense. Ce qui prouve que, en réalité, lorsqu'elle est venue dans ces banlieues, elle a été la cause d'un grand bien. Parce que qui est-ce qui a réfuté les idées extrémistes? Qui est-ce qui a réfuté? Qui est-ce qui répondait? Qui est-ce qui débattait? C'était les gens de la sunna. C'est par la grâce d'Allah, la faveur d'Allah, que beaucoup de jeunes sont revenus sur des mauvaises idées. Beaucoup de jeunes sont revenus. Donc, alhamdulillah, hadi da'wa mubaraka. Pour terminer, ensuite, regardez l'importance de la science, du ilm. Le cheikh Ibn Abized va s'adresser donc à son cheikh qui lui a demandé d'écrire cela. Il lui dit, tu m'as demandé donc d'écrire un abrégé sur ce qui est obligatoire dans la religion concernant ce que les langues doivent prononcer, ce que les cœurs doivent croire et ce que les membres doivent mettre en pratique. Il y sera question aussi des actes de la sunna qui se rattachent à ces obligations à mettre en pratique, que ces actes soient mu'akkada, confirmés, surrogatoires ou bien préconisés. Et regardez ce qu'il dit. Suite à ta demande, vous avez vu, ça, il parle à son cheikh, hein. Il lui présente son œuvre, son écrit. On ajoutera des bons usages prescrits par cette sunna avec les questions de base du droit et ses applications selon les avis de l'école de l'imam Malik ibn Anas, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde. Tu m'as demandé aussi, pour faciliter la compréhension de ce qui pose problème, de me référer à l'exégèse des savants émérites et à l'explication des grands juristes. Car tu as émis le souhait de l'enseigner aux enfants, comme tu leur enseignes les mots du Coran. Vous avez vu, à la base, c'était un écrit qui était à la base fait pour être enseigné aux enfants. Et c'est pour ça que les savants insistent sur cela. Lorsque, du plus jeune âge, il faut apprendre à mémoriser. Et nous, on a eu une lacune, une grande lacune, lorsqu'on était jeune, on n'a pas beaucoup mémorisé de livres. Je parle de mémoire, là, vraiment mémoriser, ce qu'on appelle al-hifz. Et ça, c'est une lacune, une négligence qu'on a eue. C'est pour ça qu'il faut mémoriser. C'est important de mémoriser. Et la mémorisation est encore plus simple lorsqu'on est jeune. Vous avez vu, les enfants, ils ont une facilité à mémoriser, à apprendre les choses par cœur. Et sachez que lorsqu'une personne mémorise une chose lorsqu'elle était jeune, eh ben, c'est quelque chose ensuite, plus tard, lorsqu'il va grandir, c'est quelque chose qui va être ancré en lui. Donc l'importance de la mémorisation. Même chez l'imam, et regardez ça, c'est important de lire la présentation de la Muqaddima, il présente comme une faïda, regardez, pour terminer, l'imam Muslim aussi, c'était un grand savant, Ahmed ibn Salama, qui lui avait proposé et demandé d'écrire un livre compilant des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Muslim, lorsqu'il a répondu favorablement, Ahmed ibn Salama, il a écrit l'authentique de l'imam Muslim. L'authentique de l'imam Muslim. Et regardez, si vous regardez pour terminer, Faïda Hadihi, dans la Muqaddima de l'imam Muslim, vous allez voir que l'imam Muslim présente aussi, comme Ibn Abi Zayd y présente son travail, à celui qui lui a demandé de l'écrire, l'imam Muslim, il a une Muqaddima, une introduction, il va présenter son travail à Ahmed ibn Salama, qui lui a demandé de rédiger l'authentique de qui va être l'authentique de l'imam Muslim. Et dedans, regardez, il va parler de mémorisation. Regardez à l'époque comment c'était très important. Il va parler d'hommes d'homme qui était connu par l'hifz, qu'il considérait lui fiable, il prenait les riwayats de hadith. Ils étaient fiables et très forts dans l'hifz. Sauf qu'il dit que certains de qui il prend les narrations, parce qu'ils ont akouya fil hifz, ils sont dignes de confiance dans la mémorisation, il dit par contre, il y a des gens qui sont de second ordre. Malgré qu'ils étaient fiables et connus pour leur mémorisation, par contre, il y a d'autres avant eux qui ont un haut rang de fiabilité, de minutieusité, qui sont très très forts dans la mémorisation. Il ne les a pas mis au même degré. Et en l'occurrence, il parle de, par exemple, Ibn Aoun. Ibn Aoun et de Ayyub Sirtiyani. Ayyub Sirtiyani étaient des compagnons de Ibn Sirin. Des compagnons d'Ibn Sirin et de Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri. Pourtant, Ibn Sirin et Al-Hassan al-Basri avaient d'autres compagnons imams qui étaient connus pour leur ilm et pour leur hifz. Très fort, fil hifz, la mémorisation. Très fort. Comme c'était le cas de Auf Ibn Abi Jamila, célèbre, et l'imam Muslim prend de lui. Auf Ibn Abi Jamila, wa kadalika Ash'ath al-Hamrani. De grands imams, ils prenaient d'eux. Mais il dit, malgré que eux aussi étaient des compagnons d'Ibn Sirin et de Al-Hassan al-Basri, mais ils n'ont pas le rang d'Ayyub al-Sirtiyani et de Ibn Aoun. Ils n'ont pas le rang. Vous avez vu? Ils ont tous la mémorisation, mais ceux qui ont atteint un haut degré de mémorisation ont un degré encore plus grand. Comme c'est le cas de Sulayman al-A'mash. Sulayman al-A'mash et de Mansour al-Mu'tamir et de Ismail ibn Abi Khalid. Eux, c'est un haut degré. Un haut degré de mémorisation. Et l'imam Muslim les mentionne dans sa muqaddima. L'imam Muslim les mentionne dans sa muqaddima. Par contre, il rapporte aussi de Atta ibn Abi Ziyad, imam, hafid min al-ruwat al-thiqat. Il y a par exemple Layth ibn Abi Sulaym. Il y a, ou plutôt Atta ibn Sa'ib, Yazid ibn Abi Ziyad. Et il y a Layth ibn Abi Sulaym. C'est des grands imams dans la hifz, mais ils n'ont pas atteint le degré de l'A'mash. Le degré de l'A'mash et de Ismail ibn Abi Khalid. Pour vous faire montrer ici l'importance de l'hifz. Et volontairement, je cite ces noms. Et je cite des noms différents. Pourquoi? Pour que vous puissiez connaître des noms d'imams qui sont des modèles pour nous et pour toutes les générations. Parce que nos enfants et nous-mêmes, les grands, les musulmans, il y a beaucoup de noms qui étaient des noms de pieux, de grandes références, on ne les connaît même pas. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.